Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Monica Seles et le jour où tout bascula pour la jeune championne de tennis. La championne mondiale de tennis féminin, Monica Seles, a été poignardée dans le dos par un spectateur au cours d'un match qu'elle disputait au tournoi de Hambourg. Les blessures qu'elle a subies ne sont toutefois pas mortelles. L'agression que subit Monica Seles le 30 avril 1993 marque un tournant décisif dans sa carrière. Pour elle, il y aura vraiment un avant et un après avril 1993. À la suite de cette attaque au couteau du 30 avril 1993, Monica Seles va mettre plus de 2 ans avant de faire son retour au jeu et son élan de grande championne, lui, sera brisé à tout jamais. As a young girl, when I joined the tour at age 14. Lorsque j'ai rejoint le circuit à l'âge de 14 ans, la WTA est rapidement devenue ma maison. Et quel univers formidable! J'ai eu à grandir très rapidement sous une attention médiatique de plus en plus forte, parce que mes performances étaient bonnes. Mais comme vous le savez, cela peut être très difficile par moments. Most of you know, it can be challenging at times. I look at my career in 2 stages. En rétrospective, je divise ma carrière en 2 parties. La première, alors que j'étais une jeune championne de tournoi, et la deuxième, lorsque je suis revenue au jeu après l'attaque au couteau dont j'ai été victime en 1993. Je ne serais jamais revenue au tennis si je n'avais pas côtoyé Betty et son amour du jeu. Son sourire et son enthousiasme m'ont fait réaliser à quel point ce sport me manquait. Merci, Betty, de m'avoir permis de revenir au jeu. Realize how much I missed the sport. So I wanted to say thank you, Betsy, for that, for bringing me back to the game of tennis. Monica Seles qui remercie son amie Betsy Nagelson le 11 juillet 2009, au moment où elle fait son entrée au temple de la renommée du tennis, pour nous rappeler l'incroyable parcours de Monica Seles, cette très triste histoire aussi, l'histoire de cette agression du 30 avril 1993 qui va vraiment tout faire basculer pour elle. Je reçois ma collègue, la journaliste au sport, Diane Sauvé. Diane Sauvé, bonjour. Bonjour, Jacques. C'est horrible, cette histoire-là, oui. D'autant que ça brise une carrière. Quelle place ça occupe, cette agression au couteau contre Monica Seles dans l'histoire du sport, Diane Sauvé? Unique. Ouais. On n'a jamais vu ça ailleurs, on n'a jamais vu ça avant, on n'a jamais vu ça après. Monica Seles était au sommet, trônait depuis 2 ans, au sommet du classement mondial et tout s'est joué pour elle en une fraction de seconde. Et elle l'a dit et l'a répété souvent, ça a ruiné ma vie. Ouais. Ça a ruiné ma carrière, mais aussi ma vie parce qu'elle a subi des conséquences... terrible. Dépression. Absolument. Ça va durer plus de 2 ans là, avant qu'elle revienne au jeu. Mais plus que ça. Même boulimie qui a duré 10 ans. Oui. Alors, c'est l'histoire d'une vie pour elle et c'est le cheminement d'une vie. Et l'avenir était tellement brillant pour elle. On se demande, en fait, après coup, compte tenu du fait que ça a vraiment marqué une brisure pour elle, que serait devenue Monica Seles sans cette attaque-là? Son ascension était tellement fulgurante. Elle a avancé tellement rapidement. Dans la première saison, elle était déjà top 10 au monde. Ouais. Imaginez, elle avait déjà gagné 8 grands chelems. Et après, ça a été beaucoup plus difficile, seulement qu'un grand chelem, et ce fut la fin après. Et ça montre, Diane Sauvé, bon, vous connaissez le sport mieux que, et beaucoup plus que moi, mais est-ce que ça montre pas aussi que même si on est au sommet, c'était une grande championne, Monica Seles, oui. Une athlète d'élite, est-ce que ça montre pas cette affaire-là, la fragilité de ces athlètes-là? Fragilité, on serait surpris de dire ça, parce que c'est vraiment une attaque au couteau dont elle a été victime. C'est sûr que la blessure n'était pas fatale et c'est sûr qu'elle s'en est remise assez facilement, même si ça a nécessité de la chirurgie. Physiquement, mais c'était... Mais interne, c'est la blessure interne. Exactement. Qui était terrible pour elle parce qu'elle se faisait attaquer chez elle, dans son lieu de travail. Et ça, elle le dit souvent, c'était chez moi le terrain. Et tout d'un coup, je devenais vulnérable, moi qui étais la championne. C'est ça qui était difficile à prendre pour elle. Et match, Mademoiselle Seles, 2-7-0, 7-6, 6-4. Extraordinaire. Et qui s'est passé aujourd'hui sur le central de Roland-Garros. Steffi Graf, une nouvelle fois battue par Monica Seles, ou plutôt Monica Seles a remporté ce match de belle façon, de brillante façon. Étonnante, Monica Seles, elle confirme donc, Jean-Paul, le succès obtenu il y a un peu plus de 15 jours et peut-être un baiser pour papa et maman, vraisemblablement. Elle court vers les siens. Arantxa Sánchez était la plus jeune joueuse à avoir remporté les internationaux de France l'année dernière. Eh bien, c'est Monica Seles qui lui succède maintenant. Après plus de 10 heures passées sur les cours de Roland-Garros, eh bien, et avoir remporté 7 matchs, elle inscrit son nom au palmarès de l'épreuve 90. Michel Dré commentant la victoire de Monica Seles contre Steffi Graf à la finale de Roland-Garros en 1990. Seles n'a que 16 ans à ce moment-là. 16 ans et demi. merci de la précision. Et c'est le début d'une fulgurante ascension. Premier grand chelem pour elle, mais il y en aura plein d'autres. Elle en est où dans sa carrière au moment de l'accident, au moment de l'agression d'avril 93? Elle a déjà gagné 8 tournois. Tout va bien pour elle. Et c'est son père, finalement, qui l'a dirigée. C'était un caricaturiste qui s'est tourné vers l'entraînement. Il a dirigé son frère aussi, qui a été champion national junior. Par la suite, a dirigé Seles. Elle frappe à deux mains, c'est ce qui est unique. Et finalement, à l'âge de 13 ans, elle déménage en Floride pour suivre le grand entraîneur Nick Bollettieri. Alors, par la suite, dès l'âge de 14 ans, elle fait ses débuts dans la même saison, dans le top 10 mondial. Et tout de suite, elle grimpe au premier rang mondial. Elle va déloger en 91 Steffi Graf, qui était installée bien confortablement depuis 3 ans et demi au premier rang mondial. Ouais. Et à cette époque-là, Monica Seles devient la plus jeune joueuse à devenir au premier rang mondial, première joueuse mondiale, à 17 ans, 3 mois et 2 jours. Elle se fera devancer par la suite par Martina Hingis. Et puis, Seles était bien installée 91 semaines, de septembre 91 à juin 93, au premier rang mondial. Elle avait gagné 7 titres du Grand Chelem à l'intérieur de, de cette période-là. Alors, incroyable. Tout va très bien pour elle. Ouais, ouais. Et un style de jeu, vous l'avez dit déjà, ça, c'est une de ses particularités. À cette époque-là, c'était pas si fréquent, frapper à deux mains. D'ailleurs, en coup droit comme en revers. Parlez-moi un petit peu de ce style, le style Seles, dans ses grandes années. Écoutez, on lit un peu partout qu'elle a raconté qu'elle trouvait que sa raquette trop lourde quand elle était jeune, alors elle la portait à deux mains. Mais c'est son père qui lui a montré cette technique-là de frapper à deux mains. Pourquoi? Parce que, premièrement, la puissance, et c'était vraiment la première grande cogneuse du tennis féminin, mais aussi parce qu'elle était capable d'aller chercher des angles encore plus serrés. Ouais. Et c'est ça qui arrivait à déstabiliser ses rivales. C'était une cogneuse de fond de terrain, une compétitrice féroce, même si en entrevue, quand on la rencontrait, c'était d'une gentillesse fantastique. Et aussi, sa grande marque de commerce, ses cris. Ouais. C'était... Ça aussi, c'était une des premières. C'était costaud, là. Ouais, ouais. On a déjà compté les décibels. Ouais. 93 décibels. Incroyable. Tout juste sous Sharapova. La Yougoslave Monica Seles, numéro 1 du tennis féminin mondial, a été attaquée au couteau sur un court de tennis de Hambourg. Un spectateur a bondi sur le terrain de tennis et a frappé Monica Seles d'un coup de couteau dans le dos. La joueuse a poussé un cri, a fait quelques pas en avant et s'est écroulée. Elle a reçu les premiers soins avant d'être transportée d'urgence vers un hôpital. Le bulletin de santé des médecins indique que la blessure, bien que sans gravité, forcera la championne à arrêter la compétition pour un mois. Son agresseur, un Allemand de 38 ans, a été arrêté après une bagarre dans les tribunes. On ignore le mobile de l'attentat, mais la police n'écarte pas la possibilité qu'il soit relié à l'origine de Monica Seles, qui est née en Serbie et qui vit maintenant en Floride. L'athlète a en effet reçu plusieurs menaces de mort depuis le début de la guerre civile, même si elle a toujours refusé de prendre position sur le conflit yougoslave. Extrait du téléjournal du 30 avril 1993. On y entend Michel Viroli qui décrit brièvement l'agression que subit ce jour-là Monica Seles. Qu'est-ce qui se passe exactement sur le court à Hambourg ce jour-là, Diane Sauvé? Écoutez, on est un vendredi, on est en quart de finale, on est en Hambourg. Seles a 19 ans, a récolté déjà 22 titres en 2 ans. Et elle dispute un match contre la Bulgare Magdalena Maleva. Ça va bien pour elle. Elle a gagné la première manche 6-4. Elle mène 4-3 dans le deuxième set. On est au changement de côté. Alors, elle va s'asseoir à la chaise. On est presque à la fin du temps requis pour le changement de côté. Elle a soif. Elle se penche pour aller chercher sa tasse, son verre d'eau. Ses lèvres ont à peine le temps de toucher à l'eau, qu'elle sent une vive douleur dans le dos. Elle se tourne en direction de la douleur. C'est là qu'elle aperçoit un homme. Il a les bras en l'air et tient un couteau à désosser de 9 pouces et se penche encore vers elle. Il n'a pas le temps de frapper une deuxième fois parce que l'homme est maîtrisé par des spectateurs. Mais il avait eu le temps de planter son couteau tout juste sous l'omoplate gauche de Monica Seles. On l'a entendu, le cri est terrible. Elle s'est avancée un peu vers le filet et c'est là qu'elle s'est effondrée au sol en douleur. On l'a sortie par la suite en civière. Commotion, évidemment, dans le stade. Absolument, absolument. Et pendant ce temps-là, il y a Maleva qui était dans le coin du court en se demandant que faire. Elle est figée. Et évidemment, Mme Viroli en parlait un peu plus tôt. On a pensé rapidement, peut-être que c'est en lien avec les conflits politiques qui ont lieu en ex-Yougoslavie, mais vite, ça a été écarté. Qui est-il, son agresseur, et pourquoi s'en prend-il à elle? Il s'appelle Günther Parch. C'est un ouvrier au chômage. Il a 38 ans. Il est obsédé par une joueuse. Steffi Graf, une Allemande. On le sait tous. Et lors de l'agression, on a trouvé 650 $ sur lui et un billet d'avion pour l'Italie où était inscrite déjà Monica Seles. Et pourquoi il voulait s'en prendre à Monica Seles? C'est qu'il n'a jamais accepté le fait qu'elle l'ait délogé Steffi Graf. Steffi Graf, du premier rang mondial. Et dans sa tête, il avait vraiment l'intention de lui donner une bonne leçon. Oh, incroyable. Pas question. Alors, parlons-en d'abord de la réaction de Steffi Graf. Elle va l'apprendre, ça, que c'est un de ses supporters qui s'attaque à Seles. Comment réagit à cette attaque-là? Puis plus profondément, Diane, comment la décrire, cette rivalité entre Steffi Graf et Monica Seles? Est-ce que ces deux filles-là se détestent? Pas du tout. Mais pour en venir à l'attaque, comment elle réagit, elle est confuse, évidemment. On a appris par la suite que Günther Parch avait planifié son geste depuis quelques semaines déjà. On l'a évalué comme étant atteint de troubles mentaux et c'est pour ça qu'il n'a jamais fait prison. On l'a condamné à 2 ans de sursis et avec l'obligation aussi de suivre des traitements psychiatriques. Elle, évidemment, elle est sous le choc. Elle reçoit la visite de Steffi Graf à l'hôpital. Ouais. Et là, elle dit, les deux pleurent ensemble. C'est un beau moment, ça dure quelques minutes. Et là, Graf dit, désolé, je dois quitter, j'ai un match à jouer. Ouais. Ce fut la consternation pour Seles. Ouais. Elle était dépassée de savoir et d'apprendre que le tournoi se poursuivait après ce qui s'était passé. Elle était vraiment déçue d'apprendre que la priorité du tennis, c'est de faire des affaires. C'était un grand business, le tennis. La machine continue malgré cet accident-là. Puis ça va... C'est plus qu'anecdotique, ce que vous dites là, parce que dès donc cette rencontre entre Graf et Seles à l'hôpital, il y a ce premier déclic pour elle. La vie continue et le circuit va continuer. Le circuit de tennis féminin continue ses activités. Et ça fait partie de ce qui va suivre. C'est quoi? C'est une dépression qui l'attend pendant plus de 2 ans. Absolument, absolument. Et ce qui a rajouté, justement, à sa peine, à sa douleur, c'est que moins d'une semaine après, il y a 17 des 25 joueuses, les meilleures au monde, qui ont été réunies en Italie pour savoir est-ce qu'on permet à Monica Seles de garder son premier rang mondial jusqu'à temps qu'elle soit rétablie. Ouais. Eh bien, elles ont toutes refusé, sauf une, Sabatini. Ça lui fait vraiment mal au cœur. Et rajouter à ça des nouvelles, des mauvaises nouvelles de son père adoré, Caroli, qui est atteint d'un cancer de la prostate. Alors, tout ça ensemble fait qu'elle sombre dans une dépression, mais vraiment difficile. Ça a duré plusieurs mois, mais rajouter à ça des problèmes de boulimie. Commence à ce moment-là. Absolument. Ouais. Et elle avait entendu les mauvais commentaires de Günther Parch, son agresseur, qui disait « Monica Seles n'est pas jolie ». On ne devrait pas permettre aux femmes d'être aussi minces. Et elle se demandait, est-ce que inconsciemment c'est ça qui a causé ma boulimie, mais en tout cas, ça lui a évidemment fait de la peine. Elle s'est éloignée de plus en plus du tapis roulant, qui, malheureusement, était l'outil pour se remettre en forme. Et toutes les excuses étaient bonnes pour s'installer devant la télé avec un sac de chips, un bol de crème glacée au chocolat et de cacher ses émotions derrière la nourriture. Et c'était une première pour elle. Jamais ça lui était arrivé. Incapable, donc la chute, l'effondrement. Absolument. Incapable de se relever, de retourner sur un court. Vous l'avez rapidement évoqué, mais un autre élément qui va contribuer à sa dépression, à sa déprime, c'est que son agresseur s'en tire... écope d'une peine relativement peu sévère. Ça va l'atteindre aussi assez profondément. Oui, et elle en parle souvent de ça, et elle en parle encore dernièrement, elle en a parlé. La juge a motivé sa décision parce que c'était une suspension, en fait, pas une suspension, mais une sentence de 2 ans avec sursis, par le fait que Parche, l'agresseur, avait exprimé de sincères remords, une décision mal reçue, évidemment, par plusieurs joueurs. Plusieurs se sont indignés de la clémence de cette décision-là. La famille Selesh a interjeté appel et Selesh, lors de cette audience-là, avait fourni une déclaration écrite à la cour et disait, je vous la cite, « Je veux simplement que justice soit faite. Il a ruiné ma vie. Cette agression a mis fin à ma carrière à titre de meilleure joueuse mondiale, ce pourquoi j'ai travaillé tellement fort toute ma vie. » Il y a un psychiatre qui était venu témoigner à la cour, indiquant que Selesh souffrait de troubles de stress post-traumatique, de cauchemars récurrents. Elle pleurait beaucoup, faisait de l'insomnie. Mais la sentence a été maintenue en 95 et Selesh a émis une réaction en disant « Je suis aussi surprise que tout le monde et je ne comprends tout simplement pas. » Et voilà, 6-0, 6-1. Comme en demi-finale contre Gabriela Sabatini, Monica Selesh vient de remporter l'Omnium du Maurier Limité 1995. Premier tournoi officiel à son retour. 51 minutes. Une finale très courte, la plus courte de l'histoire des internationaux féminins du Canada. On n'aurait jamais pu imaginer mieux que ça pour elle au début de la semaine. Enfin, après 28 mois de je sais pas quoi, là, elle mérite ça. Hein? C'est beau à voir. Mais quand elle est revenue, par exemple, on sait que Monica est très fière, c'est une joueuse très fière. Et je crois qu'elle est en forme. Elle nous l'a prouvé présentement avec un tournoi aussi merveilleux que ça. It's been an amazing week for me. I mean, for such a long time. Ça a été une semaine incroyable pour moi. Pendant longtemps, je n'étais pas certaine de pouvoir jouer au tennis de nouveau. J'ai vécu beaucoup d'émotions durant cette semaine, de la première journée jusqu'à aujourd'hui. C'est incroyable. J'ai peine à croire que c'est vrai. It's just amazing. I can't believe that this is real. Alors, elle effectue finalement son retour au jeu en août 1995, Monica Selesh, et c'est à Toronto que ça se passe, aux internationaux du Canada, et ça se passe très bien pour elle, Diane Sauvé. Ça se passe étonnamment bien, c'est comme si rien n'était arrivé dans son cas. Il faut savoir que quelques semaines auparavant, elle avait disputé un match hors concours pour se faire la main devant une grande foule. Il y avait 12 000 personnes à Atlantic City, et la chaîne de télévision CBS avait payé beaucoup d'argent pour avoir les droits, c'était diffusé en direct. Alors, ça avait suscité beaucoup d'attention et la même chose, sa rivale de l'époque, Martina Navratilova, a dit, elle frappe aussi fort, ne vous inquiétez pas, elle est bien revenue. Et c'était vraiment facile à Toronto, c'était étonnant, mais l'engouement que ça a suscité, c'était, j'y étais. Alors, j'ai couvert son retour. Quand on a annoncé que Monica Selesh était inscrite au tournoi de Toronto, l'organisation a reçu 250 demandes de la part des médias pour se faire accréditer. Et ça, c'était un nombre record pour l'organisation qui avait reçu, pour Agassi l'année d'avant, 150 demandes. Alors, vous voyez à quel point ça a suscité un engouement. Et je vous dirais que pour Monica Selesh, qui gagnait tellement tout et qui était devenue une machine à gagner... Ouais. Presque inhumaine, pour le public, ça devenait soudainement quelqu'un d'humain. Ouais. Et elle est devenue encore plus populaire là qu'auparavant. Même si il y a cette brisure dont on parlait au tout début de l'émission et que, bien sûr, ça va rester une bonne joueuse, Monica Selesh, mais l'après 93, elle ne retrouvera jamais cet élan de grande championne qu'elle a eu. Absolument, parce que Évidemment, j'en parlais un peu plus tôt, les problèmes de boulimie ont persisté. Il n'y avait rien de réglé encore. Et ça, évidemment, quand on a un surpoids, c'est plus difficile de se déplacer, mais aussi les blessures s'accumulent. Et dans son cas, ça a été ça. Souvent blessée, notamment au pied. Et elle a disputé le tournoi des internationaux d'Australie en janvier par la suite. Là, en janvier, tout de suite, quelques mois plus tard, elle a gagné ce grand chelem-là, mais ça a été le dernier. Ouais. Et en 2003... elle a été éliminée dès le premier tour à Roland-Garros, ennuyée par une fracture de stress au pied. Ça aura été son tout dernier match officiel. Ouais. Elle aura pris beaucoup de temps avant d'annoncer sa retraite officielle. Ça a pris 5 ans avant qu'elle dise « OK, j'arrête » en 2008. Mais après l'après-agression, pour elle, c'était vraiment un déclin. Est-ce qu'on va tirer des leçons? Est-ce que le circuit professionnel de tennis féminin, par exemple, va tirer quelques leçons, que ce soit Diane Sauvé, de cette agression qu'aura subie Monica Seles en 93? On n'a pas eu le choix. Il faut savoir que tout de suite après, les mesures de sécurité ont été accrues. Et Mickey Lawler, qui est présidente de la WTA, qui avait dit alors, tout comme le 11 septembre 2001, a changé le monde, l'agression contre Monica Seles a changé le monde du tennis. Ça a changé toute la façon de penser la sécurité des athlètes, de façon globale aussi. Et jusqu'à 2003, il n'y avait personne qui était en charge, à la WTA par exemple, de la sécurité des joueuses. Alors là, on a tout repensé, même le déplacement des joueuses. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au tournoi ici à Montréal ou à Toronto, mais ça, c'est savamment orchestré. Ouais. Même les séances d'autographes à la sortie des cours, c'est savamment orchestré. Tous les joueurs sont vraiment sous haute surveillance. Et maintenant, Monica Seles, bien sûr, était bien entourée de gardes du corps par la suite, mais ce n'est plus la seule et ce n'était plus la seule tout de suite après. On s'est bien rendu compte que les athlètes sont fragiles. Ouais. Est-ce que quand, malheureusement pour elle, j'ai l'impression que la réponse, c'est oui, mais je vous pose quand même la question, est-ce que, à tout jamais, la carrière et le nom de Monica Seles sont d'abord et avant tout associé à cet incident-là, ou si on se souvient d'autres choses, parce qu'elle a révolutionné le tennis quand même, cette fille-là. Oui, parce que c'était la première grande cogneuse et elle frappait de fond de terrain alors que les autres jouaient beaucoup plus en finesse. Mais ce qui revient tout le temps, c'est Monica Seles qui a été attaquée au couteau. Son ascension a été fantastique. Elle a établi quelques records et c'est ça qui était fantastique pour elle. Mais malheureusement, ce dont on va se souvenir, c'est la pauvre a été attaquée dans le dos. La pauvre a perdu beaucoup d'argent. On parle de 10 millions de dollars qu'elle aurait perdu en gains parce que non seulement elle a perdu le premier rang mondial, mais elle a perdu évidemment des gains possibles et des commanditaires. Elle, là, tout de suite après son tournoi et son agression, là, elle a vu un commanditaire potentiel avec lequel elle était supposée signer. Eh bien, qui a signé? C'est Steffi Graf. Ouais. C'est ça qui est malheureux. Assez cynique. On s'arrête sur cette note-là. Diane Sauvé, journaliste au service des sports de Radio-Canada, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.